always on the side. But who can stand when he's in the banners, he's in the lands. Then we dance on the floor and around. So take my strong advice, just remember to always think twice. Do think twice. She told my baby there's the three, but she looked at me and showed a photo. Baby cried, eyes wouldn't like mine. Go and dance on the floor and around, baby. I think my arm is torn. Spectacle en Équateur. En Équateur. En tout cas, j'espère que ce sera moins lourd qu'ici en Équateur. Mais si as-tu déjà visité le Pérou? Jamais. Ok, ça. Bon, malheureusement, je pourrais pas tellement ni le visiter ni en profiter parce que en 8 jours au Pérou, je prends 7 fois l'avion. Comment ça? Bah oui, parce que tu sais. Il n'y a pas de vol direct? Bah si, mais je fais beaucoup de vols intérieurs pour aller jouer dans des endroits. Ah, et okay. Comme c'est vraiment très montagneux, il n'y a que l'avion qui s'y rend. Donc malheureusement, j'arrive sur un lieu pour chanter, puis je repars en avion. Alors moi qui en plus ai la phobie de l'avion, ça m'enchante pas. Comme Brigitte Fontaine. Mais Brigitte Fontaine ne viendra jamais au Québec à cause de ce problème-là d'avion. Elle reste en France pour ce problème de locomotion. Elle ne veut jamais prendre l'avion. Ben, moi, je dois dire que... Là, t'es traqué, là. Quand tu es au Québec... Non, là, je suis pas tranquille. Quand je vais au Québec, je prends l'avion et je déteste prendre l'avion. Maintenant, quand je vais au Québec, je prends l'avion une fois et puis après, j'y suis. Ah oui, ok, mais là, parce que tu vas en tournée, donc tu es obligé. Là, je prends 7 fois l'avion et je vais dire que... Oui. Bon, oui. Je suis contente quand même. Est-ce que tu fais la première partie? Est-ce que tu fais une heure et demie de spectacle? Ou comment tu vas préparer ça? Oui, je fais une heure et demie de spectacle. Comme la tournée que tu fais en France, comme la tournée que... À la nuance près que je pars en piano-voix. Okay. En France, j'ai 3 musiciens sur scène. J'ai Dorothée Daniel, ma pianiste. Oui. J'ai Jérôme Broyer, mon guitariste, et Sébastien Bacas, mon contrebassiste. Alors que là, je pars en piano-voix avec Dorothée Daniel. Un petit peu comme quand je viens au Québec, où généralement, je suis accompagnée par un musicien québécois qui s'appelle Steve Normandin. Oui, très connu, oui, Steve Normandin. L'errance rénaldienne, on a compris! Je sais, fâchez-vous pas, là, là. L'errance rénaldienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Le moment s'invite à nous. Ah, mais c'est bien, ça. Parce que si on se fait pas inviter, pourquoi pas que le moment, un jour, ose nous inviter, hein? Ça fait plaisir, là, de voir qu'il y a un moment qui tienne à nous inviter. Ben oui. Ben oui, je vous invite. Oh, merci. Hey, est-ce que c'est le moment qui parle? C'est le moment qui parle. Maman! Oui. Maman, j'aimerais ça te dire quelque chose. Ouais, alors je t'écoute. T'es pas une maman. Non, je suis le moment. Le moment. Le moment propice? Oui, le moment propice aussi, mais le moment. Le moment en général. Le moment en général. Le moment? Oui. Le moment... Oui. Le... Oui. Bon. Non, mais là, je suis sûr que tu l'es vraiment. Je suis quoi? Ben, le moment. Oh, oui. Il y en a pas deux. Il y en a pas un? Ben, oui, il y en a un. Il y a moi. Oh, et tu es? Le moment. T'es quand même conséquent. Très conséquent. Le moment conséquent. Le moment conséquent. Le moment qu'on aime bien entendre. Oui, surtout. Mais le moment qui fait plaisir, ben, pas plaisir également. Oh oui, il y a du déplaisir dans certains moments. Mais là, il faut que j'enlève la... Non, mais on peut pas faire de la radio avec de la gomme parce qu'on sent que ça chique, hein. Oh, on sent... T'étais quoi, là? John Wayne, oui. Non, excusez, mais je trouve que si je garde la petite chic entre chaque musique, ça me donne... ça fait moins... ouais, c'est vrai, t'as bien raison, c'est le moment de le dire. Mais là, c'était pas... Vous étiez pas un très bon moment maintenant. Non, mais je suis pas toujours le bon, hein. Oh, ça dépend. Ben, ça dépend de la personne qui le capte. Oh, OK, c'est la capacité du moment. Alors donc, moment, oui, le moment, comment ça va? Ça va très bien. Pour une fin d'année, ça peut pas aller mieux que ça, parce que ma Rita Bibelot, que j'avais invitée à venir prendre le punch que certains animateurs qui était pas très animé, hein, qui se désanimait lentement dans son punch, nous a concocté avec des ingrédients passablement étranges. Oui, et puis? Ben là, j'ai pas encore goûté, parce qu'il a oublié de dire qu'il fallait le glacer. Quoi, le punch? Le punch! Le moment est jamais glacé. Le moment a chaud, hein? Le moment est chaud, SHAUD, là. Il est dans une chaleur intense, là. Il est dans l'anthropose, là. Parce que il faut bien céduler le moment. OK. Et puis là? Ben là, c'est pas le moment. OK, c'est pas le moment de dire au moment de s'animer. Ben, voyons. Je crois que il faut le prendre par surprise. Oh, c'est une urgence. Une urgence! Le moment est une urgence. Ben, tout le temps. Tout le temps. Ça a vraiment été autrement, là. Je sais pas pourquoi tu me ramènes ça comme un idiot Dostoïevski. Eh ben, c'est qui ça? Ben, le russe, Dostoïevski. C'est Dostoïevski. Dostoïevski, oui, monsieur. Je devrais être, moi, je me considère un peu comme l'arbre, là, l'érable. Oh, pourquoi? Ben, on devrait mettre une cuve en bas, OK, pour accueillir la sève. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, bon oui. Alors, le moment... Oui, c'est le moment. C'est le moment qui s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons planter, ou non, c'est planer, on plante pas, là, parce que si on plante, on peut pas planer. On peut pas s'incruster dans la terre et s'envoler en même temps. Sinon, ça fait mal, là. Il y a quelque chose qui casse ou il y a comme une résistance, comme on dit dans le milieu, puis on n'aime pas ça, nous autres, la résistance. On aime quand on se laisse aller. Laissons-nous aller ce soir, joue contre jouer dans le désespoir. Oui, c'est ça. Allons planer vers les couloirs de l'improvisation avec, je l'ai dit deux fois, ce fil Ariane narratif. Oh, c'est pour ça que je trouvais étrange quand j'ai écrit un texte tout à l'heure. Je fais l'Ariane, il me semble que ça me dit quelque chose. Mais c'est ça. Alors, le mot, le slogan, gland, le slogan, oui. Lâche le gland, le slow slice. Et c'est ce soir que l'oiseau slice. Ok. Alors, le slogan qui va nous amener vers une improvisation hilarante. Il la rend pas très, non, il la rendra pas là. L'eau vous glisse sur les vis de nos fantasmes. Non, c'est l'eau vous glisse sur les vis de vos fantasmes. Ouais, on va changer le no pour le vous. Est-ce que je peux avoir un veau? Ben là, oui, on a un petit veau de rien, là. Ben de rien, c'est un petit veau. Toujours les petits veaux sont de rien. Hein. Ils sont tout petits, de rien. Puis là, eux autres essaient de se frayer un chemin, puis tout le temps, ils disent, oh, de rien, de rien. Ben voyons, là, j'ai jamais entendu un veau dire de rien, parce que tu l'écoutes pas. Puis c'est pas le langage humain. Ah, oh, OK, mais comment ça se dit de rien en veau? Ah, oh, ben c'est un petit de rien, ça, là. Mais il y en a qui sont plus... qui veulent pas, là, qui sont récalcitrants. Ben, ceux-là, là, regarde-moi ça, ça, c'est de rien. Et monsieur, ça fait peur, hein? Ça fait penser au film Délivrance de Boorman. T'as-tu vu ça, Délivrance de Boorman? Oh, c'est la séquence, oui, où il dit, fait là, non, non, on peut pas appeler ça. On peut pas en parler en ce moment. Non, c'est un récit filmique assez troublant. Très troublant, très troublant. Puis, mais moi, ça m'a rien fait. Mais moi, ça m'a rien fait. Mais moi, ça m'a rien fait. Mais moi, ça m'a rien fait. L'eau vous glisse sur les vis de vos fantasmes. Effectivement, quand c'est de l'eau prédigérée, de l'eau, comment on appelle ça, donc, de l'eau boiteuse, ben non. Ben non, c'est de l'eau contaminée. Ben non, ben oui, c'est de la pollution. Quand c'est de l'eau polluée, ben ça glisse moins, ça freine, hein. Puis là, ça s'incruste dans la peau, un peu comme le vis, là, hein. Puis tout à l'heure, dans l'introduction, on a entendu Elvis qui glissait, lui, comme sur la... Comment t'appelles ça, donc? La... on en a un petit peu pour glisser, là. Je sais pas, de la neige? Ben, pas vraiment. Non, c'est de la gelée de pétrole. Oh, de la gelée de pétrole. Ben oui, quand tu mets de la gelée de pétrole, ça glisse. Elvis, c'est comme de la gelée de pétrole. OK. Là, quand tu l'entends, comment ça va, Elvis? T'aurais peut-être dû mourir, mais il était déjà mort! Comme David O'Janis. David qui? David Bowie. Mais il est pas mort, David Bowie! Oh! C'est une erreur. Une grave erreur. Alors, c'est qui? Ben, c'est comme Janis ou Jimi Hendrix. T'avais pas droit de vieillir. Ben, il est pas vieux, hein. Il est mort très, très jeune, lui, là. Il est mort dans la fleur de l'âge, comme on dit. Mais là, la fleur, c'est quelle heure? C'est quelle heure de la fleur de l'âge? C'est 18h33, la fleur de l'âge. Ah, j'aime ça, moi. J'aime ça, une fleur, à cette heure-là, parce qu'elle est épanouie. Mais si tu mets de l'eau, sinon, elle s'assèche. Ah, plus elle s'assèche, plus elle sèche. protoplasm. Tapping like that. Protoplasm. Tapping like that. Mike Spiegel is a Lügner. Des musiciens assez souvent à l'endroit où tu vas. Ou si c'est typiquement québécois? C'est... Non, c'est que pour le Québec. Okay. C'est parce que j'adore Steve. Okay. J'adore travailler avec lui. Je trouve que c'est un musicien remarquable. Mm. Et puis, c'est un homme génial. C'est, Mais ta dernière tournée, c'est cet automne? C'était cet été au Francofolie. OK. Et là, pour le coup, Steve était malheureusement... Non, mais à Québec même, c'était... À Québec même, c'était au mois de février. C'est ça. J'ai tourné piano voix avec Steve. En hiver. Là, alors, pour les Francofolies de Montréal, j'étais venue avec... Mais ça fait pas longtemps, ça fait deux semaines. Ouais. Mm. J'étais trois. Mm, OK. J'étais venue avec une de mes pianistes françaises, j'en ai deux, Nathalie Miravette, parce que Steve est là, c'était à Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui. Ah, mais il y a plein de festivals. Hein, donc, il était Bali. Mais sinon, quand je viens au Québec, je suis accompagnée par Steve. Non, c'est... quand tu viens à Québec, qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce que tu aimes voir? Est-ce que tu vas voir des spectacles? Est-ce que tu te promènes dans les rues? J'adore me promener dans les rues. J'adore l'atmosphère. J'adore les gens. toi, tu vas plus souvent à Montréal ou à Québec, la ville? Moi, je vais plus souvent à Montréal. OK, OK. Et à travers ça, est-ce que tu crois éventuellement écrire une chanson sur le Québec? Ah, ben, j'aimerais bien. Ça me trotte dans la tête. On verra si j'ai un bout, mais on verra. En revenant du Pérou, as-tu des spectacles à faire ici? Alors là, c'est je rentre d'Équateur le 25 juillet à 5h du matin. Je prends tout de suite un train parce que je joue à 19h à Alésia, dans le sud de la France. Décalage horaire. Avec le décalage horaire et 17h d'avion dans les pattes, je vais être fraîche. Oh, ouais. Puis on dort pas très bien dans un avion, donc... Dans le temps, et si tu m'as perdu dans la nuit. Offrons-nous un peu de septième art. Hey, c'était Wabuduba, tu pipa, tu bat, Wabuduba, tu wita, tu da, Wabuduba, tu bita, tu bat, tu wita, tu da, avec Lucien Franqueur. Offrons-nous un peu de septième art dans les oreilles. Amorçons le numéro avec un court extrait cinématographique et enchaînons sous l'inspiration et la transpiration du moment. Aujourd'hui, nous incrusterons sur la surface sonore le film Le Tambour. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Tambour 1979, c'est un film, en allemand ça se dit Die Bandrumlung, non, ça n'a rien à voir. Un film allemand est un film germano-franco-polonais avec Volker Schlöndorff, ça c'est le réalisateur. Puis on m'a dit qu'il fallait pas dire Schlöndorff, mais Schlöndorff. Sorti en 1979, adapté d'un roman éponyme de Gunstern-Grass. Gunstern-Grass, oh Gunstern-Grass, Gunstern-Grass. Mais non, c'est pas, c'est comme on le dit, hein. Puis oui, okay. Allô. Ah non, pas encore. Oh, c'est oh, hey, tu ne passes là. Paquetville, Paquetville, tu peux bien dormir tranquille. Paquetville, Paquetville, tu peux bien dormir tranquille. Oh, la belle. Non, c'est pas maintenant. Non, non, là, c'est l'extrait cinématographique parce qu'on laisse un peu de plat. Ah non, c'est septième art. François Drudeau, Jean-Luc Bodard. Tata yo-yo, qu'est-ce qui se cache sous son grand chapeau? Pas de la pellicule. Tata yo-yo, cinématographique. Dans ma tête, il y a des tas d'oiseaux. Des beaux oiseaux. Samba. Oh! J'ai mon boa, mon vieux chapeau, ma robe à fleurs, et mon mugot, mon parasol, et mes fossiles, sur mon ombril. Attention, tout le monde! Les Brésiliens, préparez-vous pas là. Prenez votre respiration, enlevez votre gamme, et décollez votre coupe d'avant. Oh non, oh, excusez-moi, c'est un rêve, ce n'était qu'un rêve. Alors là, c'est le film de 1979 de mon ami Volker Schlöndorff. On dirait une marque de vodka, hein, Schlöndorff. Et ça n'est pas, c'est allemand, c'est pas russe, là. Ah, moi, ça m'a mêlé. Puis là, on y va avec ça, oui. Ces deux messieurs, si différents, mais unanimes dans le goût qu'ils avaient pour ma mère, se plurent l'un à l'autre. Et c'est cette trinité qui m'a mis au monde. Moi, Oscar. Le soleil était dans le signe de la Vierge. Neptune entrait dans la dixième maison, celle du milieu de la ville, et ancra Oscar entre le prodige et le simulacre. Simulacre! Il faut pas oublier le simulacre qui se stimule sous la simulacrie. Ça se dit pas, simulacrie n'existe pas. Hey! Ce n'est qu'un simulacre! T'as accroché là. Moi, j'ai accroché sur le simulacre! c'est un film totalement poétique, hein. C'est plus poétique, là. On vous fait croire tout et n'importe quoi et vous êtes pris dans un... simulacre. Simulacre! Et puis l'enfant. Oh, l'enfant, prendre un enfant par le simulacre. C'est pas un cadeau. Non, monsieur, il a pas besoin de chou. Il n'y a pas besoin de ruban, puis on n'a pas besoin de le déballer, parce qu'on sait très bien, entre vous et moi, que c'est... que Tata Yo-Yo... Oh! Oh, Tata Yo-Yo! Dans ma tête, il y a des tas d'oiseaux! Tata Yo-Yo! Oh, ma vie, il y a des magrelots! Mais toi, je le sens! Ah, moi aussi, j'aime ça! Quand ça fait... Ça va, un simulacre! J'ai pris une claque et un taxi la première fois que tu m'as plu. J'étais arrivée dans ta vie et j'en suis toujours pas revenue. Mais fallait bien que ça se complique. Alors tu m'as fait ça au 12 coups de l'horloge biologique. J'ai eu l'envie d'un enfant de moi. T'es fière de toi? Babi, babi, babi, boum. Il manquait juste une occasion. Babi, babi, babi, boum. C'est l'occasion qui fait l'ardon. Et c'est parti que du bonheur. De prise de tête en prise de poids. Toi tu t'emballes sur mes rondeurs. De crise de nerfs en crise de foie. On somatise à tour de rôle, un peu beaucoup passionnément. Nous deux, c'est rock'n'roll. On cause les yettes, c'est décapant. Mais quel talent, baby, baby, baby, boum. Qu'on a l'air con, c'est trop mignon. Baby, baby, baby, boum, c'est l'occasion qui fait l'ardon. Dans les familles, ça devient sauvage, c'est un peu le choc des titans. Y'a les mamans qui causent mariage, ça donne envie de faire des parents. Et c'est la guéguerre au prénom, la lutte à mort et sans retour. On dira rien de toute façon. Pour l'instant on l'appelle au secours, amour toujours. Baby, baby, baby, boum. On pète un plomb, c'est ça qui est bon. Baby, baby, baby, boum. C'est l'occasion qui fait l'ardent. Faut rester zen et philosophe, tout se passera bien, faut pas stresser. De toute façon, la catastrophe, c'est le baby blues qui est juste après. Mais comme y a toujours une copine qui a une cousine qui s'y connaît, parce qu'elle-même a une voisine pour qui ça s'est très mal passé, c'est pas gagné. Baby, baby, baby, boum, damné d'enfer et damnation. Baby, baby, baby, boum, c'est l'occasion qui fait l'ardent. Et puis au bout de 9 mois ferme, voilà le grand jeu du grand jour. Et c'est parti pour le grand chelem, et c'est parti pour le grand amour. Bébé bonheur, bébé sourire, c'est 3 fois mieux quand on est 3, pour le meilleur et pour de rire. Jamais plus jamais de sans toi, dis, on remet ça. Baby, baby, baby, boum, ça c'est de la super production. Baby, baby, baby, boum, c'est l'occasion qui fait l'ardent. Baby, baby, baby, boum, tu m'as dit oui, j'ai pas dit non. Baby, baby, baby, boum, c'est l'occasion qui fait l'ardent. Baby, baby, boum, il manquait juste une occasion. Baby,